Section 36 De Essais sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Quatrième discours, première partie. Étude quatrième ou quatrième discours sur la chute de l'Empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares. Première partie. D'Arcade et Honorius à Théodose II et Valentinien III. Théodose ne survécut que 3 mois à sa victoire sur Eugène. Il mourut à Milan. Son corps fut transporté à Constantinople. Il laissa 2 fils, Arcade et Honorius. Arcade avait été déclaré auguste par son père la 5e année du règne de ce dernier. Honorius fut revêtu de la même dignité après la mort de Valentinien II et lorsque Théodose se préparait à marcher contre Eugène. Arcade hérita de l'Empire d'Orient, Honorius de celui d'Occident. Arcade s'ensevelit dans le palais de Constantinople, Honorius dans les murs de Ravenne. Arcade était petit, mal fait, laid, noir et bête. Il avait les yeux à demi endormis, comme un serpent. Honorius était fainéant et léger. Rufin se chargea de tromper et d'avilir les 2 empereurs, Stilicon de les trahir et de les défendre. Arcade subissait le joug des eunuques et de sa femme. Honorius élevait une poule appelée Rome et Alaric prenait la cité de Romulus. Rufin fut le ministre d'Arcade, comme Stilicon le ministre d'Honorius. Originaire d'Éose, dans les Gaules, Rufin avait obtenu sous Théodose, qui le favorisa trop, les charges de grand maître du palais, de consul et de préfet du prétoire. Il est accusé d'ambition, de perfidie, de cruauté et surtout d'avarice par Claudien, Suidas, Sosime, Orose, Saint-Jérôme et Symmac, lequel, louant tout le monde, ne louait personne, ainsi qu'on l'a remarqué. Déclaré préfet d'Orient, aspirant secrètement à l'Empire, Rufin avait une fille qu'il prétendait donner en mariage à Arcade. Eutrope, l'eunuque, déjoua ce projet et Arcade mit dans le lien périal Eudoxie, fameuse par ses démêlés avec Saint-Jean Chrysostome. Elle était fille de Boton, vaillant chef franc, devenu comte et général romain. Stilicon gouvernait l'Occident sous Honorius. C'était un grand capitaine de race vandale. Il avait épousé Cérène, nièce de Théodose. Cette alliance enflait le cœur du demi-barbare. Il prétendait que son oncle Théodose lui avait laissé la tutelle de ses 2 fils et ne supportait qu'avec impatience l'autorité dont Rufin jouissait en Orient. Celui-ci, trompé dans ses projets par le mariage d'Eudoxie, craignant les entreprises de Stilicon, qui levait des soldats, déchaîna les barbares sur l'Empire. Il invita les Huns à se précipiter sur l'Asie et il livra l'Europe aux Goths. Ces derniers étaient commandés par Alaric. Alaric était né dans l'île de Pecé, à l'embouchure du Danube, au sein même de la barbarie. Claudien appelle poétiquement le Danube le dieu paternel d'Alaric. Cet homme, un des 5 ou 6 hommes millénaires ou fastiques, n'était pas de la famille des Amales, la première de la nation des Goths, mais de la seconde, la famille des Baltes. Son courage lui avait fait donner parmi ses compatriotes le surnom de Balte, qui signifie le hardi ou le vaillant. Tout jeune encore, Alaric avait passé le Danube en 376, avec les Visigoths lorsqu'il fuyait devant les Huns. Il s'était trouvé aux combats qui précédèrent et amenèrent la défaite et la mort de Valence. Il fit la paix avec Théodose et le suivit en qualité d'allié dans l'expédition contre Eugène. Rufin alla déterrer, pour venger sa querelle domestique, l'homme que Dieu avait destiné pour venger la querelle du monde. Afin que le Goth ne rencontrât aucun obstacle, le favori d'Arcade plaça 2 traîtres, Antioque et Géronce, l'un à la garde des Thermopyles, l'autre à celle de l'isthme de Corinthe. Ces 2 portiers de la Grèce la devaient ouvrir aux barbares. Alaric, feignant donc quelque mécontentement de la cour d'Arcade, marauda tout le pays entre la mer Adriatique et le pont Euxin. Les Goths promenaient avec eux quelques troupes des Huns qui l'hiver d'antan avaient passé le Danube sur la glace. Les barbares butinèrent jusque sous les murs de Constantinople, d'où Rufin sortit en habit goth pour parlementer avec eux. Stilicon, sous prétexte de secourir l'Orient, se mit en marche avec l'armée que Théodose avait employée contre Eugène. Alors arrive un ordre d'Arcade qui redemande à Stilicon l'armée de Théodose et lui défend de passer outre de sa personne. Stilicon obéit, il remet le commandement de l'armée à Gaïnas, capitaine Go, qui servait sous lui, et le charge secrètement de tuer Rufin, entreprise dans laquelle il ne manqua pas d'être assisté par l'eunuque Eutrope. Rufin se flattait d'être proclamé empereur par les soldats qui lui apportaient une autre pourpre. Il alla avec Arcade au-devant d'eux. Gaïnas le fit envelopper et tout aussitôt massacré aux pieds d'Arcade. Sa tête, détachée de son corps, fut portée à Constantinople au bout d'une pique et promenée par les rues, sa main droite coupée accompagnait sa tête. On présentait cette main de porte en porte. Un caillou introduit dans la bouche du mort la tenait ouverte et les lèvres entrebâillées étaient censées demander l'aumône que la main attendait. Satire populaire d'une effrayante énergie contre l'exaction et le pouvoir, on ne gagna rien au changement du ministère, Eutrope prit la place de Rufin. Alaric et ses gos, n'ayant plus rien à piller ni à combattre, passèrent le défilé des Thermopyles qui n'était défendu que par le tombeau de Léonidas. Des pâtres avaient enseigné aux Perses le sentier de la montagne. Des robes noires, ce qui dans le langage de Nappe signifie des moines, le découvrirent aux Goths. Quel prodigieux changement dans les temps, quelle révolution parmi les hommes. Les murailles de Thèbes la protégèrent, les souvenirs de cette ville venaient d'Oedipe, passés par Épaminondas et Alexandre. Alaric épargna Athènes, qui n'était plus qu'une université, moins fameuse par sa philosophie que par son miel. Il accepta un repas et se baigna dans la cité de Périclès et d'Aspasie pour montrer qu'il n'était pas étranger à la civilisation. Mais l'Attique fut livrée aux flammes. On voit encore aujourd'hui cette Athènes qui ressemble, comme elle ressemblait au temps des Goths, à la peau vide et sanglante d'une victime dont la chair avait été offerte en sacrifice. On affirmait que Minerve avait remué sa lance, que l'ombre d'Achille avait effrayé Alaric. Des esprits débilités par des fables sont bien petits dans les réalités des empires. La Grèce, conservée et comme embaumée dans ses fictions, opposait puérilement les mensonges du passé aux terribles vérités du présent. Alaric continua sa marche vers le Péloponnèse. Cérès périt à Éleusis avec ses mystères. Plusieurs philosophes moururent de douleur ou par l'épée des barbares, entre autres Protère, Hilaire et Priscus, si chéris de Julien. Corinthe, Argos et Sparte virent leur gloire foulée aux pieds. Alors périt aussi peut-être ce Jupiter olympien qui n'avait d'immortel que sa statue. Malheureusement, il était d'or et d'ivoire. S'il eût été de marbre, quelque espoir resterait de le retrouver sous les buissons de l'Élide, à moins que la pensée broyée de Phidias ne fût devenue la chaux d'une cahute ou d'un minaret. Stilicon débarque avec une armée sur les côtes de la Grèce. Il enferme Alaric dans le mont Pholoé et le laisse ensuite échapper. Sorti du Péloponnèse, Alaric, par un soudain changement de fortune, est déclaré maître général de l'Illyrie orientale au nom de l'empereur Arcade. Ce prince prétendait qu'Honorius n'avait pas eu le droit de le secourir parce que la Grèce était du ressort de l'Empire d'Orient. Arcade ne voulait rien perdre de la légitimité de sa couardise. Il crut gagner Alaric en l'investissant du commandement d'une province et ne fit que le rendre plus redoutable. Une éternelle justice punit la lâcheté. Alaric venait d'égorger les fils, on lui donna la puissance sur les pères, on ne règne point par de pareils moyens. Les Goths déclarent Alaric roi sous le nom de roi des Visigoths. Ils envahissent l'Italie, la première année même de ce 5e siècle, fameux par la destruction de l'Empire d'Occident et la fondation des royaumes barbares. Stilicon rassemble une armée, Alaric se retire, Honorius va triompher à Rome. Je ne vous parle de ce ridicule triomphe qu'afin de rappeler le véritable triomphateur. C'était un moine qui portait un nom voué à l'immortalité. Télémaque, sorti tout exprès de la solitude de l'Orient, était venu à Rome sans autre autorité que celle de son froc pour accomplir ce que les lois de Constantin n'avaient pu faire. Il se jette dans l'amphithéâtre au milieu des gladiateurs et s'efforce de les séparer avec ses mains pacifiques. Les spectateurs, enivrés de l'esprit du meurtre, le massacrèrent. Vrai martyr de l'humanité, il racheta de son sang le sang répandu au spectacle de la mort. De ce jour, les combats des gladiateurs furent définitivement abolis. Stilicon, dont Honorius épousa successivement les deux filles, avaient traité avec les Francs au bord du Rhin. Marcomir et Sunon, frères, régnaient sur ces peuples. L'un fut banni en Toscane, l'autre tué par ses compatriotes. On veut que Marcomir ait été père de Pharamond. Saint Ambroise était mort dès l'année 397. Stilicon regarda sa mort comme la ruine de l'Italie. Guidon se révolta en Afrique et fut défait par son frère, Marcézel. L'incertitude des choses de ce siècle est si grande, écrivait alors saint Augustin, on voit si souvent tomber les princes de la terre que ceux qui mettent en eux leurs espérances y trouvent leur ruine. Marcézel fut jeté dans une rivière près de Milan par ordre de Stilicon, jaloux. Les Scots et les Pictes ravagèrent l'Angleterre. Alaric sortit d'Italie, y rentra vers la fin de l'an 402. L'histoire confuse de cette époque ne laisse pas voir les causes de ces mouvements divers. Les parties s'accusent mutuellement. Tantôt c'est Alaric représenté comme un chef sans foi, se jouant des serments qu'il prête tour à tour aux deux empereurs, Arcade et Honorius. Tantôt c'est Stilicon, soupçonné de vouloir faire tomber la couronne sur la tête de Cher, son fils, et suscitant à dessein les barbares. Mais cette fièvre, à redoublement, n'était que l'effet de la décomposition du corps social dans sa maladie de mort. L'Italie fut consternée à la seconde irruption d'Alaric. Rome répara les murailles d'Aurélien. Honorius, prêt à fuir, tremblait dans les marais de Ravenne. Stilicon attaque les Goths à Pollence, sur les confins de la Ligurie, et remporte une victoire chèrement achetée. Les Goths avaient d'abord refusé le combat à cause de la célébration des fêtes de Pâques, 403. La femme et les enfants d'Alaric demeurèrent prisonniers entre les mains de Stilicon, et pour les délivrer, Alaric consentit à évacuer ses conquêtes. Dieu avait au milieu de l'Empire romain deux armées de Goths investies de ses justices. L'une, conduite par un Goth chrétien, Alaric, l'autre par un Goth païen, Radagaise ou Rhodogaise, selon la forme grecque. L'armée de celui-ci était composée de toute la race goth transdanubienne et transrhénane. Il menait aux batailles 200 000 soldats. Radagaise monta à son tour en Italie, 405, comme une haute marée remplace celle qui est descendue. Stilicon rassemble des Alains, des Huns et d'autres Goths commandés par Sarus. Les ennemis pénétrèrent jusqu'à Florence. Saint-Ambroise apparaît à un chrétien dont jadis il avait été l'hôte dans cette ville et lui promet une délivrance subite. Le lendemain, Stilicon, par force ou par famine, contraint la multitude barbare à fuir ou à se rendre. Radagaise est pris, chargé de chaînes et enfin exécuté. Ses compagnons, parqués en troupeau, sont vendus un écu pièce. Ils moururent presque tous à la fois. Ce qu'on avait épargné en les achetant fut dépensé pour creuser leur fosse. Un an après la défaite de Radagaise, 406, les Alains, les Vandales et les Suèves envahirent les Gaules, toujours, supposait-on, excités par Stilicon, qui renversait les barbares par ses batailles et les relevait par ses intrigues. Les Bourguignons et les Francs suivirent les Alains, les Vandales et les Suèves dans les Gaules en 407 et n'en sortirent plus. Les légions de la Grande-Bretagne élurent cette même année pour empereur Marcus, qu'ils massacrèrent, et ensuite un soldat nommé Constantin. Celui-ci passa dans le continent, bâtit ce qu'il rencontra et s'établit à Arles. Il fut reconnu ou toléré par Honorius, qui faisait paisiblement des lois assez bonnes pour des sujets qu'il n'avait plus. Il proscrivit les Priscillianistes et les Donatistes. Constant, fils de ce Constantin, empereur d'Arles, d'abord moine, ensuite César et Auguste, se rendit maître de l'Espagne. Il en ouvrit la porte aux barbares, en retirant la garde des Pyrénées aux fidèles et braves paysans chargés de les défendre. Honorius épouse en 408 Termancy, seconde fille de Stilicon. Alaric traite avec Stilicon par député. Il obtient la qualité de général des armées d'Honorius dans l'Illyrie occidentale. Aetius, donné en otage à Alaric, passa 3 ans auprès de lui. Alaric, non encore satisfait, s'avança vers l'Italie et demanda 4 000 livres pesant d'or que Stilicon lui fit accorder. Honorius commençait à se défier de Stilicon, à la fois son oncle et son beau-père, et accusé de songer à la pourpre pour Eucher, son fils, ouvertement attaché au paganisme. Un camp réuni à Pavie, secrètement travaillé par Olympe, favori d'Honorius, donna le signal de la révolte. Stilicon apprend cette révolte à Bologne, en devine la cause et se retire à Ravenne. Deux ordres d'Honorius arrivent, l'un pour arrêter, l'autre pour tuer le sauveur de l'Empire, déclaré ennemi public. Il eut la tête tranchée le 23 août 408. C'était Rome qui portait sa tête sur l'échafaud. Héraclien exécuta Stilicon de sa propre main et fut fait comte d'Afrique. Par une vertu d'extraction, le sang d'un grand homme anoblissait son bourreau. Eucher, qui voulait les temples et qui chercha à Rome un abri dans les églises, fut tué. Thermancy, femme d'Honorius, eut le même sort. Olympe hérita de la faveur dont avait joui Stilicon. Durant ces troubles de l'Occident, l'Orient avait été gouverné par Arcade, successivement gouverné lui-même par Ruffin et par Eutrope. L'un, mauvais favori, qui se croyait haï à cause de sa fortune et ne l'était que pour sa personne, l'autre, hideux, eunuque, devenu consul, d'esclave d'un palefrenier qu'il avait été, avide publicain qui prenait tout, même des femmes, qui vendait tout, par habitude, se souvenant d'avoir été vendu. Vous avez vu la mort de Ruffin. Eutrope, pour défendre sa bassesse, inventa des lois qui restent dans le code comme un monument de la honte humaine. Ces lois appliquent le crime de lèse-majesté à ceux qui conspirent contre les personnes dévouées à l'empereur. Elles punissent la pensée et s'appesantissent jusque sur les enfants des coupables de lèse-favori. Ces lois, qui ne mirent pas même leur auteur à l'abri, firent trembler des esclaves et n'arrêtèrent pas les Goths. Tribigilde, chef d'une colonie d'Ostrogoths établie par Théodose dans la Phrygie, se révolta à l'instigation de Gaïnas, cet autre Goth, meurtrier de Ruffin. Tribigilde, opprimé tant qu'il fut ami, fut respecté quand il devint ennemi. On reconnut qu'il avait été fidèle lorsqu'il cessa de l'être. L'eunuque régnant, accusé de ses désordres, les paya de sa chute. Il avait osé insulter l'impératrice Eudoxie. Saint Chrysostome, qui devait le siège épiscopal de Constantinople à Eutrope, eut le courage de défendre son bienfaiteur. S'il ne put le sauver du glaive de la loi, il l'arracha du moins aux fureurs populaires. Il le peignit trop vil pour être égorgé et réclama en sa faveur l'inviolabilité du mépris. Eutrope, tout tremblant, la tête couverte de poussière, s'était réfugié dans l'église à laquelle il avait retiré le droit d'asile. Elle lui ouvrit son sein, dit Chrysostome, elle l'admit au pied de l'autel, elle le cacha des mêmes voiles qui couvraient le lieu sacré. Elle ne permit pas qu'on l'arrachât du sanctuaire dont il embrassait les colonnes. Eutrope fut banni dans l'île de Chypre, ramené à Pantique et décapité. Cet homme, qui avait possédé plus de terres qu'on en pouvait mesurer, obtint à peine le peu qu'il en fallait pour couvrir son cadavre. Saint Chrysostome sauva la vie à Aurélien et à Saturnin, que Gaïnas accusait d'être les auteurs des troubles de l'Orient. Gaïnas, trompé dans ses projets de vengeance, conspira ouvertement. Les Goths qu'il commandait et à l'aide desquels il voulait surprendre Constantinople furent massacrés, et lui-même, après avoir été défait par Fravitas, trouva la mort chez les Huns, de l'autre côté du Danube, dans l'ancienne patrie des Goths. Eudoxie, proclamé Augustin, ordonna d'honorer ses images. Une statue d'argent élevée à cette femme ambitieuse, assez près de l'église de Sainte-Sophie, excita le zèle de saint Chrysostome et devint la principale cause de l'exil de ce grand prélat. Il sortit de Constantinople le 20 juin 404. Eudoxie succomba le 6e jour d'octobre. Une fausse couche termina sa vie, son règne, sa fierté, son animosité et tous ses crimes. Arcade mourut le 1er mai de l'année 408, quelques mois avant la fin tragique de Stilicon. Il laissa un fils unique, Théodose II. Anthémius, préfet d'Orient, fut son tuteur. Les Huns et les Skiers envahirent la Thrace. Pulchéri, sœur aînée de Théodose, devint dès l'âge de 15 ans l'institutrice de son frère. Le palais se changea en monastère. Théodose se levait de grand matin avec ses sœurs pour chanter à deux cœurs les louanges de Dieu. Jamais ce prince ne vengea une injure. Il laissa rarement exécuter un criminel à mort. Il disait « Il est aisé de faire mourir un homme, mais Dieu seul lui peut rendre la vie. » Un jour, le peuple demandait un athlète pour combattre les bêtes féroces. Théodose, qui était présent, répondit ne savez-vous pas qu'il n'y a rien de cruel et d'inhumain dans les combats où nous avons accoutumé d'assister ? Ce prince doux avait inventé une lampe perpétuelle afin que ses domestiques ne fussent pas obligés de se lever la nuit pour la rallumer. Instruit, aimant les arts jusqu'à peindre et à modeler de sa propre main, il écrivait si bien qu'on lui avait donné le surnom de calligraphe. Du reste, il manquait de grandeur d'âme, avait peu de cœur, n'aimait point la guerre, achetait la paix des barbares, et particulièrement d'Attila. Il mettait son sein au bas de tous les papiers qu'on lui présentait sans les lire, tant il avait aversion des affaires. Il signa de la sorte l'acte de l'esclavage de l'impératrice. Ce fut Pulchéri qui essaya de le corriger par cette innocente leçon. Saint Augustin remarque que cet empereur aurait été un saint dans la solitude. Théodose était livré aux eunuques qui débauchaient la virilité du prince. Antioque, grand chambellan du palais, conduisait tout. Théodose se mêla trop des affaires ecclésiastiques. Il favorisa l'hérésie d'Eutychès et appuya les violences de Dioscore. Je dois vous faire remarquer sous Théodose quelques lois caractéristiques du temps. Lois contre les hérésiarques de toutes les sortes. Manichéens, Pépuséniens, Phrygiens, Priscillianistes, Ariens, Macédoniens, Thunoniens, Novatiens, Sabastiens. Lois pour les professeurs des lettres à Constantinople. 10 professeurs latins pour les humanités. 10 grecs, 3 latins pour la rhétorique. 5 grecs, appelés sophistes. 1 pour les secrets de la philosophie. 2 pour le droit. C'était le Sénat qui choisissait les professeurs publics. Ils subissaient un examen. Loi pour défendre d'enseigner, 419, aux barbares, la construction des vaisseaux, et qui prononce la peine de mort contre les délinquants. Loi qui accorde à chacun le droit de fortifier ses terres et ses propriétés. Ce droit est tout le Moyen-Âge. En 421, Théodose épouse Eudocie, fille d'Héraclide, philosophe d'Athènes, ou de Léonce, sophiste. Elle s'appelait Athénaïde avant d'être baptisée. Athènes, qui n'avait pas fourni un tyran à l'Empire romain, lui donnait pour reine une muse. Eudocie était poète. Elle mit en vers 5 livres de Moïse, Josué, les Juges et la touchante Églogue de Ruth. Il ne faut pas confondre Eudocie avec Eudoxie, nom de sa belle-mère et nom aussi de la fille qu'elle eut de Théodose et qui fut mariée à Valentinien III l'an 437. Revenons aux affaires de l'Italie. Honorius, s'étant privé du secours de Stilicon, aurait pu donner le commandement des troupes romaines à Sarus le Goth, homme de guerre, mais il le rejeta parce que Sarus était païen. Alaric proposait la paix à des conditions acceptables, on les refusa. Il vint mettre le siège devant Rome. Serène, veuve de Stilicon, était dans cette ville. Le Sénat la crut d'intelligence avec Alaric et la fit étouffer par le conseil de Placidie, sœur d'Honorius. Alaric ferma le Tibre, la famine et la peste désolèrent les assiégés. Alaric consentit à s'éloigner moyennant une somme immense. On dépouilla les statues des richesses dont elles étaient ornées, entre autres celles du courage et de la vertu. Honorius, renfermé dans Ravenne, ne ratifiait point le traité conclu. Le Sénat lui députa Attale, intendant des largesses, Cécilien et Maximien. Ils n'obtinrent rien de l'empereur dominé par Olympe. Alaric se rapprocha de Rome et bâtit Valence qui la venait secourir. Olympe, disgracié, puis rétabli, puis disgracié encore, eut les oreilles coupées et on l'assomma. Jove succéda à Olympe. Il avait connu Alaric en Épire. Il était païen et versé dans les lettres grecques et latines. La nécessité des temps avait amené une tolérance momentanée. Une loi d'Honorius de 409 accorde la liberté de religion aux païens et aux hérétiques. Alaric assiège de nouveau la ville éternelle. L'habile et dédaigneux barbare, voulant trancher les difficultés qu'il avait avec l'empereur, change le chef de l'empire. Il oblige les Romains à recevoir pour Auguste Attale, devenu préfet de Rome. Attale plaisait aux Goths parce qu'il avait été baptisé par leur évêque. Attale nomme Alaric général de ses armées. Il va coucher une nuit au palais et prononce un discours pompeux devant le Sénat. Il marche ensuite contre Honorius, son digne rival. Honorius envoie des députés à Attale et lui offre la moitié de l'Empire d'Occident. Attale propose la vie à Honorius et une île pour lieu d'exil. Jove trahit à la fois Honorius et Attale. Alaric, qui tient Ravenne bloquée et qui commence à se dégoûter d'Atal, lui soumet néanmoins toutes les villes de l'Italie, Bologne exceptée. Ces scènes étranges se passent en 409. En Espagne, Géronce se soulève contre Constantin, l'usurpateur qui régnait à Arles, et communique la pourpre à Maxime. L'Angleterre, que Rome ne défend plus, se met en liberté. Dans les Gaules, les provinces armoricaines se forment en république fédérative. Les Alains, les Vandales et les Suèves entrent en Espagne, 409, 28 septembre. Les Vandales avaient pour roi Gondéric et les Suèves Hermeric. Les provinces ibériennes sont tirées au sort. La Galice échoit aux Suèves et aux Vandales de Gondéric. La Lusitanie et la province de Carthagène sont adjugées aux Alains. La Boétique tombe en partage à d'autres Vandales, dont elle prit le nom de Vandalousie. Quelques peuples de la Galice se maintinrent libres dans les montagnes. En 410, sur des négociations entamées avec Honorius, Alaric dégrade Atal. Il le dépouille publiquement des ornements impérieux à la porte de Rimini. Atal et son fils en pelle restent sur les chariots de leur maître. Alaric gardait aussi dans ses bagages Placidie, sœur d'Honorius, demi-reine, demi-esclave. Il essaye de conclure la paix avec le frère de cette princesse, auquel il envoie le manteau d'Atal. Honorius hésite. Alaric reprend son empereur parmi ses valets, remet la pourpre sur le dos d'Atal et marche à Rome. L'heure fatale sonna le 24e jour d'août l'an 410 de Jésus-Christ. Rome est forcée ou trahie, les Goths, élevant leurs enseignes au haut du Capitole, annoncent à la terre les changements des races. Après 6 jours de pillage, les Goths sortent de Rome comme effrayés. Ils s'enfoncent dans l'Italie méridionale, Alaric meurt, Atolf, son beau-frère, lui succède. Dans les années 411 et 412, il n'y eut plus de consuls comme il n'y avait plus de monde romain. Du moins, on ne trouve pas leur faste dans ces 2 années. Il s'éleva pourtant alors un général de race latine. Constance était de Naïs, patrie de Constantin. Il s'était fait connaître du temps de Théodose. Il avait le titre de comte lorsque Honorius songea à l'employer. Si l'on ne connaissait l'orgueil humain, on ne comprendrait pas qu'Honorius pardonna moins à un chétif compétiteur qui lui disputait le diadème qu'au barbare qui le lui arrachait. Constance eut ordre d'aller attaquer Constantin, tyran des Gaules. Géronce, qui avait proclamé Maxime Auguste en Espagne, tenait Constantin assiégé dans Arles. Il fut abandonné de son armée aussitôt que Constance parut. Maxime tomba avec Géronce et vécut parmi les barbares dans la misère. Constantin, délivré de Géronce, se remit lui et son fils Julien entre les mains du général d'Honorius. Il s'était fait ordonner prêtre avant de se rendre. Par Héros, évêque d'Arles, précaution qui ne le sauva pas, il fut envoyé avec son fils en Italie. On les décapita à 12 lieues de Ravenne. Edobic ou Edobinc, chef franc et général de Constantin, avait essayé de le secourir. Constance et Ulfilas, capitaine Goth qui commandait sa cavalerie, défirent Edobic sur les bords du Rhône. Edobic se réfugia chez Ecdis, seigneur gaulois, auquel il avait jadis rendu des services. Ecdis coupa la tête de son hôte et la porta à Constance. L'empire, dit Constance en recevant le présent, remercie Ulfilas de l'action d'Ecdis. Et Constance chassa de son camp, comme y pouvant attirer la colère du ciel, ce traître à l'amitié et au malheur. Jovin prit la pourpre à Mayence dans l'année 412. Les Goths, après avoir évacué l'Italie, étaient descendus dans la Provence. Atolf s'allie avec Jovin, lequel avait nommé Auguste Sébastien son frère. Il se brouille bientôt avec eux et les extermine. Les généraux d'Honorius s'étaient joints aux Goths dans cette expédition. L'an 413, Héraclien se révolte en Afrique. Il aborde en Italie et, repoussé, s'enfuit à Carthage et va mourir inconnu dans le temple de Mnémosyne. Honorius avait une qualité singulière, c'était de n'entendre à aucun arrangement. Il opposait son ignominieuse lâcheté à tout comme une vertu. Lui offrait-on la paix lorsqu'il n'avait aucun moyen de se défendre, il chicanait sur les conditions, les éludait et finissait par s'y refuser. Sa patience usait l'impatience des barbares, il se fatiguait de le frapper sans pouvoir l'amener à se reconnaître vaincu. mais admirer l'illusion de cette grandeur romaine qui imposait encore, même après la prise de Rome. Atolphe désirait ardemment épouser Placidie, toujours captive. Il la demandait toujours en mariage à son frère, qui la refusait toujours. Pendant ces négociations, 100 fois interrompues et renouées, le successeur d'Alaric s'empara de Narbonne et peut-être de Toulouse. Il échoua devant Marseille. Il y fut repoussé et blessé par le comte Boniface. Bordeaux lui ouvrit ses portes. Les Francs, dans l'année 413, brûlèrent Trèves. Les Burgondes ou Bourguignons s'établirent définitivement dans la partie des Gaules à laquelle ils donnèrent leur nom. Là, du refus d'Honorius, Atolphe résolut de prendre à femme celle dont il eût pu faire sa concubine par le droit de victoire. Le mariage avait peut-être eu lieu à Forlì, en Italie. Il fut solennisé à Narbonne au mois de janvier l'an 414. Atolphe était vêtu de l'habit romain et cédait la première place à la grande épousée. On la voyait assise sur un lit orné de toute la pompe de l'impératrice. 50 beaux jeunes hommes, vêtus de robes de soie, eux-mêmes partis de l'offrande, déposèrent aux pieds de Placidie 50 bassins remplis d'or et 50 remplis de pierreries. Attal, qui d'empereur était devenu on ne sait quelle chose à la suite d'Ego, entonna le premier épithalame. Ainsi, un roi goth venu de la Scythie épousait à Narbonne Placidie, son esclave, fille de Théodose et sœur d'Honorius, et lui donnait en présent de noces les dépouilles de Rome. À ces noces dansait et chantait un autre Romain que les barbares faisaient histrion, comme ils l'avaient fait empereur, comme ils le firent ambassadeur auprès d'un aspirant à l'Empire, comme il leur plut de lui jeter de nouveau la pourpre. Finissons-en avec Attal. Après le mariage de Placidie, ce maître du monde, qui n'avait ni terre, ni argent, ni soldats, nomme intendant de son domaine le poète Paulin, petit-fils du poète Ozone. Abandonné par les barbares, Attal, qui avait suivi les Goths en Espagne, s'embarque pour aller on ne sait où. Il est pris sur mer et conduit enchaîné à Ravenne. À la nouvelle de cette capture, Constantinople se répandit en actions de grâce et s'épuisa en réjouissances publiques. Honorius, dans une espèce de triomphe à Rome en 417, fit marcher devant son char le formidable vaincu, le contraignit ensuite de monter sur le second degré de son trône, afin que Rome, déshonorée par Alaric, pût contempler et admirer l'illustre victoire du grand César de Ravenne. Le prisonnier eut la main droite coupée, ou tous les doigts, ou seulement un doigt de cette main. On ne craignait pas qu'elle portât l'épée, mais qu'elle signât des ordres, apparemment qu'il y avait encore quelque chose au-dessous d'Attal pour lui obéir. Il acheva ses jours dans l'île de Lipari, qu'il avait jadis proposée à Honorius, et comme il était possédé de la fureur de vivre, il est probable qu'il fut heureux. On avait vu un autre Attal, chef d'un autre empire. C'était ce martyr de Lyon, à qui on fit faire le tour de l'amphithéâtre, précédé d'un écriteau portant ces mots, le chrétien Attal. Honorius avait conclu la paix avec Atolphe, son beau-frère. Celui-ci s'engageait à évacuer les Gaules et à passer en Espagne. Placidie accoucha d'un fils qu'on nomma Théodose et qui vécut peu. Retiré au-delà des Pyrénées, Atolphe est tué d'un coup de poignard par un de ses domestiques à Barcelone, 415. Les 6 enfants qu'il avait eus d'une première femme sont tués après lui. Les Visigoths mettent sur le trône Sigéric, frère de Sarus. Sigéric est massacré le 7e jour de son élection. Son successeur fut Valia. Valia traite avec Honorius et lui renvoie Placidie, redevenue esclave, pour une rançon de 600 000 mesures de blé. Constance, générale des armées d'Occident, épousa la veuve d'Atolphe malgré elle. Elle lui donna une fille, Justa Grata Honoria, et un fils, Valentinien III. L'année qui précéda l'éclipse de 418 marque le commencement du règne de Pharamond. En 418, Valia extermina les Silinges et les Alains en Espagne. Les Goths revinrent dans les Gaules, où Honorius leur céda la seconde Aquitaine, tout le pays depuis Toulouse jusqu'à l'océan. Le royaume des Visigoths prenait la forme chrétienne sous les évêques ariens. Théodovic porta la couronne après Valia. Valia laissa une fille mariée à un Suève, dont elle eut sœur Ricimer, qui devait achever la ruine de l'Empire d'Occident. Une constitution d'Honorius et de Théodose, adressée l'an 418 à Agricola, préfet des Gaules, lui enjoint d'assembler les états généraux des trois provinces d'Aquitaine et de quatre provinces de la Narbonnaise. Les empereurs décident que, selon un usage déjà ancien, les états se tiendront tous les ans dans la ville d'Arles, des ides d'août aux ides de septembre, du 15 août au 15 septembre. Cette constitution est un très grand fait historique qui annonce le passage à une nouvelle espèce de liberté. Constance, père d'Honoria et de Valentinien III, est fait auguste et meurt. Honorius oblige sa sœur Placidie, qui l'aimait trop peut-être, à se retirer à Constantinople avec sa fille Honoria et son fils, Valentinien. Au bout d'un règne de 28 ans, qui n'a d'exemple pour le fracas de la terre que les 30 dernières années où j'écris, Honorius expire à Ravenne, 12 ans et demi après le sac de Rome, attachant son petit nom à la traîne du grand nom d'Alaric. Cette époque compte quelques historiens, elle eut aussi des poètes. Ceux-ci se montrent particulièrement au commencement et à la fin des sociétés. Ils viennent avec les images, il leur faut des tableaux d'innocence ou de malheur, ils chantent autour du berceau ou de la tombe, et les villes s'élèvent ou s'écroulent au son de la lyre. Une partie des ouvrages d'Olympiodore, de Frigéride, de Claudien, de Rustilius, de Macrobe sont restés. Honorius publia, 414, une loi par laquelle il était permis à tout individu de tuer des lions en Afrique, chose anciennement prohibée. Il faut, dit le rescrit d'Honorius, que l'intérêt de nos peuples soit préféré à notre plaisir. Fin de la section 36.